mensonge de dérision. Rêve de révision, d'illusion. Le cristal des révélations. Et l'esprit de libération. Aquarius. Aquarius. On la lune, dans la septième maison. En Jupiter et en Mars. L'amour fait l'amour aux étoiles. La terre. Il faut trouver Donna Madonna à 16 ans, Virginie, very sexy. Oh Donna, oh oh Donna, oh oh oh, je cherche encore Madonna. Il faut trouver Donna ma Madonna, mon immaculée de San Francisco. Oh Donna, oh oh Donna, oh oh oh, je cherche encore Madonna. Avez-vous vu cette danse tatouée? C'est une enfant sans doute a-t-elle été primée pour sa beauté. Oh, oh, oh. Il faut trouver Donna Madonna à 16 ans, dire she'd be very sexy. Oh Dan, oh oh Dan, oh oh oh, je cherche encore Madonna. Je ramène des Indes, de la lumière, des yogis et d'Amérique du Sud, la douce fumée du paradis. Je suis réincarné dans l'humanité. Je monte des collabos. Donna ma Madonna, mon immaculée de San Francisco. Oh Dan, oh oh Dan, oh oh oh, je cherche encore Madonna. Je lui ferai goûter la vie sur terre, c'est si beau. Je serai son Verlaine, elle sera mon Rimbaud. Bagdad, Sainte-Marie, l'opium et Ivre le bateau. Je me transforme, je me déforme, il ici. Je cherche encore Madonna. Je cherche encore Madonna. Donna. D'Angleterre, il est de Brooklyn. Manchester, England, England, au bout de l'Atlantique. Je suis un génie, génie, et je crois en Dieu. Et je crois que Dieu, en Claude à foi, et Claude, c'est moi. Claude Popkowski. Je trouve que c'est génial de faire son cinéma en jouant les Fellini, les Antonioni, les Godard, les Truffaut, les Roman Polanski. Ils sont tous dans la poche de Claude Bobokowski. Maintenant que je suis parti, c'est Fellini la vie. parler de quoi ou de qui. Ça va vraiment de mal en pis. Oh, Manchester, England, England, au bout de l'Atlantique. Je suis un génie, génie, et je crois en Dieu. Je n'ai pas de rond, j'ai pas de glace, j'ai pas de mouchoir, j'ai pas de pantoufles, j'ai pas de paddock, j'ai pas de dope, j'ai pas la foi. J'ai pas de maman, j'ai pas de manière, j'ai pas de copain, j'ai pas de certif, j'ai pas de brio, j'ai pas de garçon, j'ai pas de savon, j'ai pas de licence, j'ai pas de cervelle. J'ai pas de kiff, j'ai pas de boulot, j'ai pas de fric. J'ai pas de frac, j'ai pas de poteau, j'ai pas de carotte, j'ai pas de touche, j'ai pas de gris-gris, j'ai pas de Dieu. Daddy, don't walk, keep out, red light, red light, steep clear. Beware, mad dog, blind man, blind man. Warning, blind man, our road is blind. Don't make that red, keep on that red. Oh, in the red paint. Hands off, dead end, dead end. Hand working, dead end. Hand working, dead end. Don't have him, dead end. No parking, dead end. Oh, no smoking, stop smoking. Dead end, no joke. I tell you it's a daddy. Daddy, yeah. I tell you it's a daddy. Daddy, yeah. Oh, my. La liberté, petit frère, je sais rire, petite sœur, je prends mon pied, petit cœur. J'ai des tics étranges, fillette, J'ai du charme à revendre, sorette. J'ai mal aux dents, à la tête. J'ai des problèmes comme vous. J'ai mes cheveux là sur ma tête. J'ai ma serpente là dans ma tête. Et j'ai mes yeux au-dessus de mon nez. Et j'ai mes dents là dans ma bouche. Et j'ai ma langue et des boutons. Et j'ai mon cou et mes tétons. Et j'ai mon cœur et j'ai une âme. Et j'ai mon dos au-dessus de mes fesses. Et j'ai mes doigts au bout des mains. Et j'ai mes bras et j'ai mes jambes. Et j'ai mon foie et j'ai mon sang. Et mes orteils au bout des pieds. J'ai la vie, dix mères, la liberté. Dix frères, je sais rire. Dix sœurs, je prends mon pied. Dix cœurs, j'ai des tics étranges. J'ai du charme à prendre. Sorette, j'ai mal aux dents, à la tête. J'ai des problèmes comme vous. Et j'ai mes rêves, mon pied dans la testa et mon colon. J'ai mes douilles, j'ai mes joues, et mes deux roues. Mon joujou. J'ai mes cheveux et j'ai mes poils. Tout leur vent, tout mes noirs. J'ai une langue, j'ai la parole et j'ai la rate qui se dilate. Et j'ai mes coudes et j'ai mes genoux. J'ai mes chevilles et mes oreilles. J'ai l'estomac, j'ai les biceps. J'ai les idées et les problèmes. J'ai mes tripes, j'ai mes poings. Oui, j'ai la vie. Lucifer et moi, tous deux des anges déchus, soufflant les flammes de l'enfer, chassés aujourd'hui des murs de l'école céleste. L'ascenseur du ciel descend, descend et s'enfonce. Tout le monde se casse en morceaux, tout se casse en morceaux. Je suis damné, tout seul et humilié. Quelle disgrâce pour moi, j'ai pas mon bac, je l'ai raté. Je suis un con, que va penser la nation? Pourtant ce tourment, quelle superbe émotion. L'escalier du ciel descend, descend et s'enfonce. Tout le monde se casse en morceaux, tout se casse en morceaux. Émancipation, proclamation au docteur Lincoln. Ça y est, je déconne. Le Lucifer et moi sommes damnés pour l'éternité. Pas de bon but. Mon enfance est terminée, c'est là. Les gringolades, mon enfance est terminée. Fini la rigolade. Se casse en morceaux, tout le monde. Se casse en morceaux, tout le monde. Pardon si je ne pleure pas. Je ne pleure même pas à Noël. Quand les anges déploient leurs ailes. Tout le monde se casse, tout le monde se casse, tout le monde se recrase. Pourquoi je suis comme ça, poilu et chevelu, poilu en bas et chevelu en haut. Ma réponse, la voilà. Je veux être comme Jésus, un ange chevelu. Mon Dieu, donne-moi de longs cheveux brillants et pendouillants, luisants, filasses, dégoulinants, cireux. Des cheveux qui pendent ici jusqu'à mon nombril. Ici petit, là mamie, là aussi papi, papi. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Matignasse s'est levé dans le vent comme un grand cerf-volant. Matignasse, c'est une niche à puce, yeah, un marché aux puces, oh yeah, un nid d'oiseau, il n'y a pas de mots pour la splendeur, la beauté de mes longs cheveux. Pousser, flotter, me laisser pousser mes cheveux. Je les veux longs, raides, frisés, sautés, mêlés, frappés, dressés, bouclés, huileux, graisseux, comme hargne, siroté, vieux, mille, salas, crêpes, papillotés. Sexy, poivre et salé, sucré, huilé, ratatouillé, roulé, fouetté, mixé, spaghettisé. Allons, cheveux de la patrie, bonjour de gloire sont arrivés. Je les veux jusqu'aux pieds, jusqu'au cul, et pouvoir les montrer tout nus. Les gogos seront gaga, tous les gagas seront gogo. Ne pas voir mon oiseau sous mes tifs. Un temps festif, j'ai les cheveux comme Jésus, alléluia, je les adore, alléluia, Marie aime son fils, pourquoi ma mère ne m'aime pas? Où vais-je aller, vers quelle frontière trouverai-je l'ami pour me dire voici pourquoi tu vis, pourquoi tu meurs? Où vais-je aller suivre les enfants? Où vais-je aller vers quelle enfance trouverai-je enfin dans leur rire sans sans fin. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Suivre les nuages, suivre les orages, suivre le néon des yeux amoureux. Est-il dans les pleurs, est-il dans les rires, mon splendide sérum de vérité? Où ai-je allé? Suivre les enfants, où puis-je aller? Vers quelle enfance trouverai-je enfin dans leur rire sans fin? Pourquoi je vis, pourquoi je meurs? Suivre les nuages, suivre les orages, suivre le néon des yeux amoureux. Est-il dans les pleurs, est-il dans les rires, mon splendide sérum de vérité? Où vais-je aller? Mon cœur le sait-il? Ma main sait-elle? Où vais-je aller? Aveugle, je les suis, mais vais-je jamais savoir pourquoi je vis, je meurs? Pourquoi je vis et meurs? Pourquoi dites-moi, pourquoi vivre et mourir? Dites pourquoi. Yeah. Dernier 3